Comme au présent, il puisse nous rappeler que nous étions amants. Mais toi, apparemment, tu voyais la chose autrement. Car quand je t'en ai parlé, t'as couru aussitôt au troquet d'à côté pour revenir une heure après, complètement chiré. Plus bonne, qu'à aller te coucher. Apparemment, dans ce monde, manque de communication. Tout le monde se parle, tout le monde fait semblant de se comprendre. Personne ne parle et ne se comprend vraiment, sauf ces gens qui prennent le temps de parler un moment. Au présent, communique avec moi ce que tu ressens, hein, là simplement. Et partage avec moi tes sentiments, présentement. Communication. J'étais sur internet quand j'ai bloqué net sur ta petite annonce. Tu cherchais un homme que v'là pour gérer une famille. Alors tout de suite j'ai quitté mes îles pour rejoindre mon exil, ton pays, les États-Unis. Là-bas tu m'as montré ton mari, les enfants et le placard à balai. Alors j'ai compris que je n'étais pas là pour mes beaux yeux, mais pour tes désirs envieux. Alors seul, tout seul, seul comme un con, je me suis dit, apparemment, on manque de communication. Tout le monde se parle et tout le monde fait semblant de se comprendre. Alors qu'en réalité, personne ne parle et ne se comprend vraiment. Sauf que ces gens qui prennent le temps de parler un moment. Au présent, communique avec moi ce que tu ressens, inlassablement. Et partage avec moi tes sentiments, présentement. Communication. Quand je suis parti à la reggae, croyant défendre mon pays pour une cause plutôt sensée. C'est quelques années après avoir perdu quelques-uns de mes amis de bras et un pied que j'ai compris que la lutte pour laquelle on m'avait envoyé à la guerre n'était autre que celle de tuer mes frères pour un lopin de terre. Alors seul, tout seul, seul comme un con, je me suis dit, apparemment, ce manque de communication. Tout le monde se parle, tout le monde fait semblant de se comprendre. Alors qu'en réalité, personne ne parle et ne se comprend vraiment. Sauf ces gens qui prennent le temps de parler un moment. Au présent, communique avec moi ce que tu ressens, inlassablement. Et partage avec moi tes sentiments, présentement. Communication, communication, communication, communication. pas faire le premier pas. S'il même ne me regarde pas, en plus sa tête me revient pas. Je suis sûr qu'il parle de moi. Je suis pas du genre à critiquer, ni même à faire de préjugés. Mes gens de la là, je les connais, ils ont jamais rien à m'apporter. Lui, j'aime bien parce que c'est mon copain. Ce gars-là, j'aime pas parce que je le connais pas. Lui, j'aime bien parce que c'est mon copain. Ce gars-là, j'aime pas parce que je le connais pas. C'est fou, comment c'est fait de mots. On peut décrire nos mots. Oh, oh, oh, oh, c'est simple, simple, c'est comme idée. Facile à chanter, yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Pourquoi je devrais faire semblant au contact de tous ces gens, semblant d'être trop différent? Finalement, c'est pas marrant. J'suis bien du genre à être poli, me faire un maximum d'amis. Pourtant, même si je m'appelle Harry, aucun ami ne veut du bien, c'est la souci. Lui j'aime bien parce que je connais pas, ce gars-là même pas parce que si je suis rien. Lui j'aime bien parce que je connais pas, ce gars-là même pas parce que si je suis rien. C'est fou, comment si peu de mots on peut décrire nos mots. Oh, oh, oh. C'est simple, ça me dit comme idée, c'est facile à chanter. Premier pas pour faire plaisir à mon papa. Et forcer pour leur plus grande joie. C'est pas marrant d'être tout gaga. Mais si je sais pas marcher, c'est parce que je sais pas où je vais. Si je ne sais pas marcher, c'est parce que je sais pas où je vais. Mais si je sais pas marcher, c'est parce que je sais pas où je vais. Mais si je sais pas marcher, c'est parce que je sais pas où je vais. Mais si je sais pas marcher, c'est parce que je sais pas où je vais. Et si je devais faire un résumé d'un phénomène compliqué, une phrase simple, je dirais. Lui, je l'aime bien parce que c'est mon copain. Ce gars-là, je l'aime pas parce que je le connais pas. Lui, je l'aime bien parce que c'est mon copain. Ce gars-là, je l'aime pas parce que je le connais pas. Lui, je l'aime bien parce que c'est mon copain. Mais ce gars-là, je l'aime pas parce que je le connais pas. Lui, je l'aime bien parce que c'est mon copain. Mais ce gars-là, je l'aime pas parce que je le connais pas. C'est fou, comment c'est beau. On peut décrire nos mots, oh, oh, oh, oh, oh. C'est simple, ça fait dire comme idée. C'est facile à chanter, yeah, yeah. C'est fou,